Radiomatique. La musique électronique est faite d'algorithmes. Alors, quoi de mieux pour ouvrir cette transmission 039 d'Audiomatique que d'entendre le groupe russe Cyclothymia, qui utilise justement des processus systématiques et complexes d'assemblage de sons et de rythmes pour nous offrir leur création sonore très consistante et très texturée. À juste titre, la pièce que nous avons entendue se nomme Algorithms. Nous sommes les électronistes, et comme vous le savez peut-être, nous sommes assidûment présents sur les ondes de C'est fou les mercredis dès 17h, mais aussi en rediffusion les dimanches à 14h et les lundis à 13h, en plus d'être ubiquistes grâce à Internet et à la disponibilité constante de toutes nos anciennes émissions sur notre page Facebook à facebook.com/audiomatique-cfou. Nous sommes les électronistes et notre mandat est simple et sans équivoque, c'est-à-dire présenter des musiques à caractère électronique afin de démontrer la richesse et la profondeur de ce style aux néophytes et d'enthousiasmer davantage les convaincus en élargissant leurs horizons ou en confortant leurs connaissances déjà assimilées. Nous sommes les électronistes et vous êtes à Audiomatique avec cette fois Single Cell Orchestra. à Audiomatique. Il s'agissait de la musique de Single Cell Orchestra, projet mené par le Californien Miguel Fierro, qui nous présentait la pièce Knockout Drops 200 Proof Mix de son album homonyme. Le groupe suédois d'Electronic Body Music, Spetsnaz, nous offre dès maintenant une de ses compositions qu'on pourrait qualifier de plus exploratoire comparativement à ses pièces habituelles. Voici Dead Man's Eye. prenoseći rezultate razgovora slovenskog ministra vanjskih poslova Dimitrija. Fou de diversité. C'est fou, 89.1. Avant la pause publicitaire, c'était Dive, le projet solo de l'artiste belge Dirk Evans, avec la pièce Lost Inside You tirée de son dernier album paru en 2004, un album qui se nomme Behind the Sun. Si Dive semble moins actif ces années-ci, ce n'est pas le cas de Dirk Evans, qui lui continue de produire de la musique grâce à ses autres projets, notamment Sonore et Absolute Body Control. Avant Dive, nous entendions le projet Silent Servant, incarné par l'artiste Juan Mendez. La pièce Moral Divide se retrouve sur l'album Negative Fascination, paru en 2012. Et pour commencer cette séquence de trois pièces, nous avions droit à une composition du groupe suédois Spetsnaz, soit Dead Man's Eyes, qui paraît sur l'album For Generations to Come. Voici maintenant à Audiomatic le duo Here. Voices are gone, I don't know how to feel. will your tongue catch my fire? Back. We'll be right back. Nous terminions cette séquence audiomatique avec le projet allemand Panacea, le pseudonyme de Mathis Motz, et sa composition Sunburst de l'album Phoenix Metabolism. Nous avons pu également entendre le duo britannique Rhythm Invention et la pièce Vaciate, et pour débuter, le duo Here, H-E-R-E, formé de J.F. Coleman, ex-membre de Cop Shoot Cop et aussi ex-membre de Filler, et Moro T.O. Tirdo, ex-membre de Meathead et de Matera. Ils nous interprétaient ce duo la chanson Cello de leur seul album Brooklyn Bank. La transmission de ce soir se terminera sur des rythmes inspirés du Proche et Moyen-Orient composés par Muslim Gaz, le projet du regretté artiste britannique Bryn Jones. Celui-ci a laissé un héritage imposant dans le répertoire de la musique électronique avec près de 100 albums publiés de 1983 jusqu'à sa mort en 1999. Le message qui traverse l'œuvre de Muslim Gaz est très politique, Bryn Jones étant l'un des seuls artistes occidentaux à appuyer ouvertement le mouvement de libération palestinien. S'il a raison ou pas de le faire, les électronistes laissent le soin aux auditeurs d'en juger à leur guise, puisque pour nous, c'est davantage la valeur musicale de sa pièce Tuareg que nous mettrons de l'avant dans quelques instants. Nous, les électronistes, nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain à 17h pour la transmission 040 d'Audiomatic. Vous pouvez également réécouter les retransmissions sur les ondes de C'est fou les dimanches à 14h et les lundis à 13h. Et sachez que l'intégralité de nos émissions passées est disponible par l'entremise de notre page facebook.com/audiomatic-CFOU. Voici donc Muslim Gaz et la pièce Tuareg tirée de l'album Satyajit Ay paru en 1993. Bonne semaine!